Au sport, le 3 janvier. Au hockey mineur, dans la Ligue Simple Lettre Hartford-Saint-François, l'équipe novice C des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Metro Plouffe Sherbrooke 1 à 15h à Istingus. L'équipe Atom A est également à la maison pour rencontrer Metro Brunel-Val-Saint-François à 16h15. L'équipe Pee-Wee A reçoit Magog à Istingus à 17h30. L'équipe Bantam A et l'autre des Jets Frontières à 18h45. Le 4 janvier, également dans la même ligue de hockey. L'équipe Novice A des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Club Piscine Sherbrooke à l'Arena Distinguis à 13h30. L'équipe Novice C visite Thibaut GM Sherbrooke 1 au Centre Philippe Bergeron à 10h45. À midi, au même endroit, l'équipe Atom A affronte Hockey Expert Sherbrooke. À midi 15 à Windsor, l'équipe Atom B visite Métro Brunel Val-Saint-François. L'équipe Pee-Wee B est à Stansted à 16h pour rencontrer les cantonniers 1 de Magog.